d'immigrés. Marseille, ville d'immigrés. Marseille, ville d'immigrés. On va te nettoyer. Cette ville est pourrie, ses habitants aussi. Tous ces jeunes trafiquants qui ne pensent qu'à l'argent. Ville d'immigrés, Marseille, ville d'immigrés, Marseille, ville d'immigrés, on va te nettoyer. Tu prends le métro, tu te crois au Congo, tu rentres dans une cité, tu te crois à Alger. Ville d'immigrés, Marseille, ville d'immigrés, Marseille, ville d'immigrés, on va te nettoyer. Marseille, ville d'immigrés, Marseille, ville d'immigrés, Marseille, ville d'immigrés, on va te nettoyer. Pour la sauver, la seule solution, tous les tuer.